Aïe. C'est sismique à la prod, frère. Ok. Le sionneur, ouais. Cosy. Ruinam, Baba. KNM. Bientôt les mixtapes. Check ça. Ok. Oh. Toujours la même ambiance, les gens se parlent et puis se crachent dessus. Je marche seul ou presque, pas mal mon grave déçu. C'est tard que j'ai su, tu restes vrai ou tu finis par cessu. Génération, chacun sa foi, mais je veux ma part, c'est sûr. En vrai, je devais fermer comme une coquille Saint-Jacques. Y'a pas que les vendredis, nous qu'on cotise un jack. Donné pour un rendu, moi c'est pas mon optique. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui n'est que le futur monde optique. Sale mentalité, entre dingo et pervers. Où sont passées les belles paroles de Rimbaud et Verlaine. La traîtrise c'est banal, la bêtise se balade. Ça débite des patates, ça s'équipe de bananes. Pour bloquer la lame et te la mettre dans le cou. Tu peux lancer l'alarme, la maille c'est ça qui nous rend fou. Nerveux sur les bords, les jambes dégoûtées, j'en passe. On fonce dans le mur et c'est mortel à force de rouler sans casque. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. J'ai la rage du quartier, ça se ressent sur le papier. J'suis comme les feuilles que va balancer, rien pour me rattraper. Des têtes de matraquer à cause du karaté. Des trucs bizarres te font penser que t'es qu'un karaté. Je sais plus quoi songer, j'aimerais me débarrasser de toutes ces choses qui m'empêchent de bien avancer. J'avoue que ça force à faire, le tri dans nos affaires. Assis dans le chèque, s'attendant que le ciel nous achève. Tout ne peut pas s'acheter, comme l'herbe en sachet. Les jeunes tournent zigzag sans savoir où aller. Moi pas tout si je kick grave et ce toute l'année. Mais je vois les coups qui se craquent, le nez sous la neige. J'aimerais me réveiller, pouvoir chill à l'ancienne. Mais j'ai que mes rêves pour me rappeler que je le vis mal en fait. Les frères d'Ivac s'enferment dans la grisaille sans terre. C'est dur de faire la part des choses, d'y arriver en vrai. Ça rappe rapide comme les battements du cœur, pas de techno. Techno, ça change salement d'humeur en parlant. Du beurre et son argent, faire monter le vœu, son avou. Se casser le dos, les salaires augmentent de peu. Ok, faut que ça kick, c'est que la petite snake rapide, Shrek, j'arrive mec. On garde le sourire, mais on n'est pas si fier. Non, non, faut pas s'y faire, non, le pub n'est pas si bête. Ne reste pas passif, clair, qui nous lâche des pas l'hiver. On se demande pourquoi, devoir être pour toi. Nous mettez ouf, toi, la vie n'est pas un tournoi. Respecter les règles, se tuer les nerfs à la hâte. Rien à foutre, les gars, moi, ce que j'aime, c'est père à malade. Ils nous croient tous malades, nous juste sans nous connaître. Ça fait tellement longtemps qu'on ne connaît même plus le problème. Ouais, t'as vu le progrès, c'est qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'on gère. Eux se remplissent les poches alors que nous, c'est le best qu'on perd. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. Ok, t'as reconnu le collectif, mon frère. C'est l'UNS, on envoie des projectiles sans frais. C'est serein, je bouffe ta merde au kiwi. Tout le monde sait tout sur tout, c'est le réseau wifi, hey. Faut que je me dise, mets tes baskets, diva. J'apparente la vie à un casse-tête chinois. Te découpe les sangs, un petit couplet je rentre. Je lâche des rimes, style Marvel, je te découpe les gens. Dans ma tête, la grisaille s'amine. Je suis parano, poursuivi par la brigade canine. A chaque zeste, viens cracher la valga. Quand trop de jaloux veulent cramer ma carcasse. Où est la rue à siffler tous mes rêves. Sismique à la prod, j'viens kicker pour le bless. Ça s'en rap dans la cabine glauque. On est parti bloqué dans les starting blocks, hey. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. Qu'est-ce qu'il y a fait né pour le genre, pas né pour le sang, on découpe le sample. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, des tueries verbales. Qu'est-ce qu'il y a, c'est les universales. On lâche des mixtapes, mutile le rap, hein. 2010, les mixtapes. Le sionneur, KOSS.